Fleur. Fleur. Fleur. Chouette. Hey, hey, hey. Bienvenue à Deux Hommes et un Bouquin, le podcast qui parle des hommes et des bouquins. Alors, on n'avait pas mieux comme titre, donc désolé. Mais puis du coup, ça marche bien puisqu'on a décidé de parler de littérature et surtout de la littérature qui se repose sur ses lauriers. Alors, mon compère JR me dit de baisser un peu le rythme. Comment ça va, JR? Ok, alors... Ouais, bah est-ce que t'es prêt à trasher grave du bouquin? Voilà, alors justement, en fait, puisqu'on va. Notre première rubrique, ça va être de revisiter une œuvre classique. Et donc d'essayer de voir si c'est si bon que ça. C'est un livre qu'on a lu tous les deux. Pour ce pilote, pour ce premier épisode, on a décidé de prendre Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Voilà, est-ce que tu veux nous en parler? Bonne observation. Voilà. Alors, la deuxième rubrique, alors tu ne t'en souviens déjà plus, mince. Ah, c'est à moi de le dire? Est-ce que tu veux que je le dise moi? Oh, génial. Alors, la deuxième rubrique, donc c'est ce qu'on appelle le débat de la semaine. Cette semaine, ce sera puisqu'on est en pleine actualité, ce sera donc le prix Nobel qui a été accordé à Bob Dylan. Et puis donc on va en parler puisque ça fait débat. Pas que chez nous, mais un peu partout. Voilà. Voilà, parce que c'est bien beau de dire du mal des gens, mais faut aussi en dire du bien. Hein. Voilà. Alors bon, donc ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de son titre original To Kill a Mockingbird, donc qui a été publié en juillet 60 ou 61. 60. Ouais, du coup c'est logique, ouais. Alors là, moi, je suis tombé sur un article Wikipédia qui nous dit que le livre a connu trois traductions, et donc trois titres différents. Le premier, c'est Quand meurt le rossignol. Apparemment, ça a été traduit sous le titre de Quand meurt le rossignol au départ. Et c'est vrai qu'on dirait un titre du Québec. Et on en a un deuxième qui est bien marrant. C'est Alouette, je te plumerai, donc en 89. Voilà, alors ça, autant dire que ça n'a pas été gardé. Voilà, il fallait qu'on en parle un moment. C'est clair. Alors, je pense qu'à un moment, on y reviendra. Il faudra qu'on lise toute la liste des titres que tu m'as envoyés, toutes les propositions, puisqu'en fait, on vient seulement de décider du titre Deux hommes et un bouquin il y a 10 minutes à peu près. Et on avait, avant ça, on avait des beaux spécimens. Hein. Voilà. Non, il y a personne. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Est-ce que tu voudras qu'on coupe? Ok. Ok. Alors, Ouais. Alors, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Comme vous pouvez l'entendre, c'est un pilote, hein, donc on ne sait pas du tout où on va. C'est pas grave. D'ailleurs, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur tous les deux. Ça fait à peu près un mois qu'on l'a lu, puisqu'on avait enregistré une émission avant ça qui est partie nulle part. Du coup, il faut qu'on la réenregistre. Et on se souvient plus trop du livre, mais ça c'est. Ouais, je pense, ouais. Voilà, et puis de toute façon, c'est tout mignon. Exactement, il vaut mieux dire mignon qu'autre chose. Alors, donc, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, c'est l'histoire, comme l'a dit JR, c'est l'histoire donc d'une famille qui habite dans le sud des États-Unis, donc en Alabama. Comme chacun le sait, le sud des États-Unis peut être un peu moins progressiste que les grandes villes. Voilà, donc eux, ils ont été élevés dans une petite maison, dans un tout petit village qui s'appelle Maycomb, si mes souvenirs sont bons. Maycomb, dans les années 30, donc c'est le sud ségrégationniste qui est sorti il y a quelques décennies donc de la guerre de sécession et qui a encore du mal à accepter ses minorités. Donc voilà, alors donc c'est l'histoire de deux enfants. Surtout la protagoniste qui est une petite fille et de son petit frère et de leur jeu de l'été en fait et qui donc au début en fait ça commence, c'est vraiment très étrange puisque ça commence, toute l'histoire se base sur leur rencontre avec un autre gamin l'été qui s'appelle, est-ce que tu te souviens comment il s'appelle? Alors on va l'appeler Gérard, est-ce que ça passe Gérard ou alors Gérard voilà Gerald. Ouais. Il s'appelle Deal. Deal. Deal. Voilà. Ouais. Alors, pour la petite histoire, en fait, Deal, apparemment, ce serait une image de Truman Capote, en fait. Ce serait Truman Capote, puisque l'auteur, Harper Lee, était très amie avec Truman Capote quand elle était petite. Et elle l'a connu comme ça. C'était un ami d'enfance et ils faisaient plein de conneries ensemble. Et voilà. Donc, Deal, apparemment, ce serait Truman Capote quand il était petit. Oui, non, puisqu'il veut se marier avec Scout, qui est la protagoniste, donc la personnage principal. Donc ce qu'il faut dire aussi, c'est que Deal, il a pas vraiment dit, en fait, son histoire familiale et son histoire à lui, elle est assez floue puisqu'il a pas vraiment de parents et il passe de famille d'accueil en famille d'accueil et il passe son temps à s'enfuir en fait. Ouais, alors ça arrive qu'au bout de 80 pages, hein, puisqu'on a toute la première partie, toutes les 80 premières pages qui parlent de complètement d'autres choses, en fait. Je sais pas si tu veux en parler. Et donc Deal, il veut les inciter à aller retrouver cette personne, puisque en fait, donc il s'appelle Bouradley, c'est un jeune homme qui ne sort jamais de chez lui, mais littéralement jamais, puisqu'il ne savait absolument pas à quoi il ressemble, et il pense que c'est un fantôme même. Donc voilà. Et ouais. C'est ça qui est assez étrange, ouais. Ouais. Alors, sans spoiler, on va quand même le voir réapparaître à un moment dans l'histoire. Mais c'est pas vraiment. C'est vrai que c'est assez. Ça a l'air étrange en fait. Ça a l'air d'être un peu du patchwork, puisque l'histoire principale en fait, c'est le procès qui est attenté à un jeune noir américain qui aurait violé donc une fille du village, une blanche évidemment. Et voilà, qui est accusé par toute la communauté. Et le père donc des deux gamins, qui s'appelle Atticus Finch, qui se révèle être un personnage assez hors du commun. Le droit, voilà, c'est un homme droit. Ouais. Et donc lui, il est avocat, et c'est lui qui va défendre ce jeune noir qui s'appelle Tom Robinson lors du procès. Ouais, et d'ailleurs il refuse de juger les gens, même les gens qui font du mal à ses enfants ou qui disent que son père est quelqu'un de qui avec des valeurs corrompues ou quand les gens le critiquent parce que justement il défend un noir, lui il refusera absolument de s'ériger contre ces gens-là et il interdit à ses enfants d'être violents envers les autres ou même de s'énerver face à l'ignorance des autres en fait puisqu'il est il est extrêmement tolérant et tolérant à l'extrême. C'est vraiment l'image de l'homme exceptionnel parmi un peu un village d'abrutis. Donc voilà, c'est C'est exactement ça. Ouais, en majorité, ils sont gentils, ils sont juste un peu cons, ouais. Ouais, non, ça c'est ça en fait, c'est les bonnes valeurs. D'ailleurs c'est, bon, alors moi c'est mon principal problème avec ce livre, mais peut-être qu'on va en reparler après. Je pense que oui, on va en reparler puisqu'il va falloir en faire la critique. C'est que justement c'est très, alors à l'époque j'imagine que oui ça a dû être une sensation puisqu'il a quand même gagné le prix Pulitzer. Mais alors maintenant ça résonne un peu moins puisque ce sont des combats qu'on a vus et revus, on a vu des films sur le sujet, on a vu même des débats politiques, des tas de choses dessus, et donc je pense qu'il a un peu mal vieilli et c'est moins percutant maintenant. Voilà. Non, ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, bah, je suis assez d'accord. Donc, est-ce que tu crois qu'on devrait raconter la suite de l'histoire ou laisser un petit peu le suspense, puisque le livre, en fait, donc je dirais le climax du livre, c'est justement le procès. Et je pense qu'il vaudrait mieux qu'on ne raconte pas. Je sais pas ce que t'en penses. Voilà. Alors, ça tombe bien, parce que moi non plus. Et puis, de toute façon, on n'a pas le temps, parce qu'il faut que j'aille acheter du lait. Donc, moi, comme je l'ai dit, en fait, je trouve que le livre a un peu mal vieilli. Il n'est pas vraiment. Il a plus vraiment de ce côté dissident, ces idées originales qu'on aurait pu lui trouver à l'époque, puisque la cause raciale et Malcolm X, Martin Luther King et autres sont passés par là. Donc on a moins de Michael Jordan, oui, tout à fait, Lilian Thuram, voilà, tout ça, donc. Donc on a plus vraiment, et puis aussi cette image du Sud raciste, c'est du vu et revu. Enfin moi je trouve, hein, j'ai pas vraiment été, je pense que c'est l'univers est extrêmement bien posé, je trouve, c'est quand même pas mal, mais j'ai pas été ébloui par l'histoire et par ce petit côté par ce petit côté sud folklorique, raciste et ignorant, avec des petites fleurs et des petites voitures et une petite vie bien gentille, à part quand il s'agit des Noirs. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, on a, puisque il faut quand même revenir sur le titre du livre, qui était censé avoir un tout autre titre, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. On parle donc des. Alors là, c'est une allégorie. C'est une allégorie. Je pense que c'est la pire allégorie que j'ai vue, puisque c'est. En gros, les oiseaux moqueurs sont des animaux qui ne font de mal à personne, donc il faut pas leur tirer dessus. Ils chantent et ils dansent et ils en jouent. Ils sont là pour le bonheur des petits et des grands. En gros, un peu comme les noirs, en fait. C'est ça qu'il faut en tirer. Alors, on peut tirer sur n'importe qui, sauf sur les noirs. D'ailleurs, Atticus le dit. Il dit que c'est pire, en fait, c'est pire de faire du mal à un noir qu'à un blanc. Littéralement, il y a une ligne de dialogue où il dit ça. Et il enseigne ça à ses enfants. Puisque selon lui, en fait, les noirs, ou en tout cas moi c'est ce que j'en ai tiré, les noirs sont sans défense. Et donc on peut pas les. C'est pire que tout de leur faire du mal. Alors, ouais, qu'est-ce que. Voilà, alors si c'était pour faire une vanne de cet acabit, merci. Ils sont fébriles. Et au final, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisque moi j'ai trouvé une forme de racisme au final, même si on veut pas, mais ces gens, ça s'est vu beaucoup, mais à force de vouloir mettre l'accent là-dessus, on arrive à l'inverse justement d'une société d'égalité, une société, on arrive à une société où les gens sont absolument pas égaux. Et donc moi ça m'a un peu posé problème. Et ce côté politiquement correct, quand on aime la bonne littérature, je pense que ça passe pas vraiment, puisque le personnage d'Atticus, même si c'est quelqu'un de très intéressant, je pense qu'à la fin il gonfle un peu. Enfin, en tout cas, moi il m'a fatigué, puisque toute la morale qui en est tirée. Et d'ailleurs, ce petit côté têtu, un peu idiot du personnage, puisqu'il est même quand on lui montre qu'il a tort de s'obstiner d'aller vers le bien ou de ne pas défendre ses enfants, notamment à la fin. Il veut pas changer d'avis, voilà. Donc, puisque en fait lui son leitmotiv, c'est qu'il refuse de favoriser ses enfants par rapport au reste de la société, en fait. Mais du coup, ça arrive à un extrême total où justement il défavorise ses enfants par rapport au reste de la société. En fait, il est beaucoup plus dur avec eux qu'avec les autres. Donc Ah oui, littéralement. Ah non, c'est gratos, hein. C'est gratos. Ouais, c'est vraiment... Ouais. Par contre, si on considère que, alors c'est pas vraiment le cas puisque le livre a gagné le prix Pulitzer, mais si on considère qu'il est orienté vers un public plus jeune, ça peut aller. Je pense que ça va. Pour les gamins, c'est un peu plus compliqué de comprendre les allégories, mais pour un adulte, je pense que c'est pas un livre inoubliable, et c'est honnêtement, c'est pas vraiment un livre que je recommanderais. Ouais. Ouais. Non, non, non, c'est ça, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, ouais. Oui. Alors, moi, y a, comme on l'avait dit, il y a aussi pour moi, le début est quand même problématique, puisqu'elle nous emmène vers. Enfin, Harper Lee a quand même. Il y a toutes les 80 premières pages qui mènent le lecteur vers une autre piste, donc qui construit tout ça, et qui nous donne envie un peu de savoir la suite. Et au final, on est complètement frustré, en fait. C'est un peu comme une masturbation qui s'interrompt, en fait. On a le slip au niveau des chevilles et on sait pas trop, en fait. On va vers ailleurs. C'est moins satisfaisant. Alors merci, tu es tu, je préfère même pas je préfère même plus en parler. Alors on change complètement de sujet. on va passer à autre chose. Non, oui, ce que je voulais dire, c'est. Non, mais non, non, non, non, on n'en est pas encore à la rubrique 2, puisqu'il faut déjà d'une. C'est ça. En fait, oui, je voulais dire aussi pourquoi, qu'est-ce qui nous a fait choisir Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Il faut savoir qu'en ce moment, je suis en Nouvelle-Zélande et que trouver des livres, c'est assez compliqué. Donc, j'ai acheté ce livre et JR était d'accord pour le faire. Donc voilà. Voilà. Mais j'y avais trouvé ça pas mal, et en fait c'était mieux que Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Voilà, et puis par contre, on va aussi faire des livres français, puisqu'il s'avère que j'ai une petite librairie française, pas une librairie française par contre, pardon, une librairie avec une section française, et j'ai déjà trouvé des livres, hein, et par rapport à ça. Ouais. Bah c'est ça, puisqu'il y a du. Ouais, j'ai du. Il y a du Maurice Papon, il y a du. Il y a du Drieux, d'ailleurs, j'ai vraiment acheté du Drieux, hein, donc voilà. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire anecdotique. Ouais, je pense qu'il va falloir se calmer, ouais. On passe. Là, on est limite au point Goldwyn, hein. Donc on va revenir. Bernard-Henri Lévy, je t'aime. Alors oui, non, je voulais dire, pardon, alors j'insiste beaucoup encore sur Ne tirez pas sur les hommes au cœur. Il faut aussi dire que Harper Lee est morte cette année, donc ça tombait bien. Et ça tombait, voilà, on a compris, voilà. Et l'occasion fait le larron, tout à fait. Et par ailleurs, elle a publié son deuxième livre, plus de 50 ans après le premier, l'année dernière. Donc ça tombait bien. Qui s'appelle Go Set a Watchman. Et la traduction est absolument horrible. Je crois que c'est Va et poste une sentinelle. Va et poste une sentinelle. Donc c'est pire que tout. Et ça me donne envie. Voilà. Donc si tu veux le lire, peut-être. Je crois que c'est les premières esquisses du livre en fait. Et je crois d'ailleurs que ne tirez pas sur l'oiseau moqueur devait s'appeler Go Set a Watchman. Donc voilà. C'est exactement le même livre. Voilà. C'est on dirait Paulus Ulitzer. Donc est-ce qu'on passe à la rubrique 2? Rubrique 2. Alors la rubrique 2, le débat. Le débat de la semaine. Est-ce que tu veux vraiment mettre un... Oui, d'ailleurs, on va mettre une petite musique. Hein, là, en post-prod, on va mettre une petite musique un peu triste, puisque je vais faire mon billet d'humeur. Bien vénère. Ouais. Attention, il y a José. Il y a José, attention, fais gaffe au fil. Ouais, c'est bon. Voilà. Ah merde. Salut José. Alors, bon, ça c'est mon. Donc, comme on l'avait dit, en fait, ça c'est mon. Je vais faire un petit billet d'humeur et après on va passer à un court débat sur donc, le prix Nobel qui a été décerné à Bob Dylan au mois d'octobre. Eh ben, si, je te jure. Non, je comprends que ce soit. Ouais, moi j'ai appris ça hier, donc je me suis dit, je fais direct un petit billet. Alors voilà. Non mais note bien qu'en fait si le premier pilote donc qui a complètement foiré, s'il avait fonctionné, on serait à peu près dans les temps. C'est ça qui est bien. Voilà, on est bien. Moi je trouve que quand même ça va. Alors est-ce que je peux commencer? J'attends ton top. La littérature se meurt d'une jolie mort sans trompette ni fracas. Elle meurt de vieillesse, pas de maladie. Ou plutôt d'une succession de maladies qui lentement la mènent au trépas. Ces pathologies ont des noms. Christine Angot, Paulus Ulitzer, Douglas Kennedy, Guillaume Musso, Amélie Nothomb et mille autres mots bénins qui, mis bout à bout, signent la sentence de mort de l'art noble. Et voilà, la dernière estocade, le dernier petit coup de baïonnette dans le flanc d'une vieillarde à l'agonie. Une attaque d'apparence bénigne, à peine douloureuse, mais qui restera dans l'histoire comme une marque d'infamie. Bob Dylan, Bob fucking Dylan, a gagné le prix Nobel de littérature. Monsieur l'homme tambourin, sa guitare, ses castagnettes et sa trompette, son prix Nobel de littérature. Alors, je sais ce qu'on me dira, Bob Dylan est un poète. Et moi, je vous répondrai par une définition du mot littérature tirée du Larousse. Donc, le Larousse nous dit ensemble des œuvres écrites auxquelles on reconnaît une finalité esthétique. Et merde, bon, mais alors. Donc apparemment, les chansons de Bob Dylan seraient de la littérature. Mais ce qui me dérange, ce n'est pas que Monsieur Tambourin soit considéré comme un écrivain. Ce qui m'embête, c'est que ma vieille collègue de bureau, qui n'a jamais ouvert un livre de sa vie et s'avère être fan de Bobby, se réjouisse de sa victoire. C'est ça, cet air de réjouissance supérieure que je ne supporte pas. Car offrir les lauriers de la littérature à une œuvre en musique, c'est comme offrir le Goncourt à un livre d'images. Les mots ne suffisent plus. Ils ne divertissent plus personne. Surtout pas ma vieille collègue de bureau. Il faut leur ajouter du bruit. Je me permets maintenant de citer notre ami Barbus qui dit « L'harmonie de la musique ne vaut pas la voix... » l'harmonie de la musique ne vaut pas la voix basse d'un livre. Je ne peux pas dire que je suis d'accord, je ne pense pas qu'on puisse dresser une hiérarchie des arts, mais je ne pense pas non plus qu'on puisse les mélanger. Ou alors on acceptera bientôt que Gérard Depardieu remporte un Grammy Award et Stromae un Oscar. Ce qui me réconforte au fond, c'est la réaction de l'intéressé lui-même, qui a fait le mort pendant plus d'une semaine et refusé qu'on évoque son prix Nobel sur son site internet. Un homme bien, ce monsieur Tambourin. Allez, repose en paix, littérature. Voilà, j'ai fini. Ouais. Voilà. Alors, j'ai écrit ça quand j'ai eu le temps. Donc ça manque un peu de liant, mais voilà, je pense que Sophia Aram ne m'en voudra pas. Alors qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que moi ça m'a rendu un petit peu fou, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Parce que c'est vrai que moi ce que je pensais justement, c'est que la littérature, c'est un effort, c'est un geste, c'est actif, c'est de l'apprentissage actif. Alors que ce soit la télé, la musique, le théâtre, c'est du passif, c'est de l'information qui vient à vous. Et donc c'est un tout autre type d'activité. Et donc, je pense, bah, apparemment, en fait, moi, mon argument principal au départ, quand j'ai entendu que Bob Dylan avait été lauréat donc du prix Nobel, j'ai un peu sauté sur ma chaise, puisque pour moi, la musique n'est pas de la littérature, mais apparemment, oui, ça en est, en tout cas selon le dictionnaire. Ça ne me pose quand même pas moins problème, puisque je pense que, comme je l'ai dit, je pense que considérer, en tout cas donner le prix Nobel à un chanteur, c'est un peu entériner la mort de la littérature, hein. C'est voilà, puisque surtout en fait, moi c'est la, quand je parle de ma vieille collègue, c'est vrai en fait, puisque elle qui ne lit pas et s'est réjouie donc d'avoir soudain accès à la grande littérature via Bob Dylan. Bon, ça m'a juste un peu fait mal, mais peut-être qu'on est déjà devenus des vieux cons et que ça nous fait mal quoi qu'il arrive. Ouais, ça y est, c'est fini là. Ça va se finir là. Non, mais moi j'en suis. Moi ça y est, je suis dans les retraités. Moi en tout cas, pour aller au Parc des Princes, c'est moins cher. Hein. Je peux monter dans les trains. Moi j'ai la semaine dernière, j'ai un mec qui m'a aidé à monter dans le métro. C'était un gentil jeune homme. Ah oui. C'est, ouais, et d'ailleurs, mais en plus c'est pas mal parce que ça me permet de m'asseoir à côté des femmes et de les tripoter, et on me dit rien puisque je suis un papy gentil. Voilà. Je sais pas, je sens pas. C'est un jury, ouais. Ouais. Ouais, bah c'est le. Moi, je trouve ça très démago, en fait. Voilà, on essaie de moderniser, on essaie de moderniser le comité prix Nobel, mais moi, j'ai l'impression qu'un peu c'est aussi une façon de baisser les bras. Voilà, on n'avait rien d'autre. Alors qu'en fait, des candidats au prix Nobel, il y en a énormément, des écrivains talentueux, puisque moi, je suis grand fan de littérature américaine et toi de littérature surtout japonaise. Rien qu'à les piocher là-dedans, je pense qu'on peut déjà en trouver une dizaine. Il y avait dans les tablettes, il y avait Philip Roth. Et Milan Kundera. Alors, je sais pas si parmi tes Japonais, tu t'en vois un qui le mériterait. Ouais. Un Q84 qui est complètement illisible. Voilà, ça tombe bien, c'est mieux. Mais ah oui, non, mais moi aussi, oui, c'est clair, hein, je préfère. Tu le détestes tant que ça. Haruki, si tu nous entends. Voilà, j'allais dire un truc un peu sage, puis je me suis dit que personne ne comprendrait. Ah bah non, mais c'est ça en fait. Du coup, si toi tu me comprends pas, en fait personne va comprendre. Voilà. Alors, est-ce qu'on passerait pas à la rubrique 3? La rubrique. Les recommandations. Recommandation. Nation. Sion. Alors, d'ailleurs, en fait, c'est marrant puisqu'on a parlé de mon amour pour la littérature américaine et de ton amour pour la littérature nippone, et je crois que c'est dans ce sens-là qu'on va. Me trompais-je? Oui. Ah oui, non, d'accord, t'as changé de livre. Tu lis beaucoup plus que moi. Vas-y, je t'en prie. Ouais, commence. Est-ce que tu peux montrer le livre à la radio? Pardon. Voilà. On l'a bien entendu, d'ailleurs, ton micro a dégagé. Ouais, il y a un univers cohérent, quoi. Ouais. D'accord. Bah alors écoute, moi tu m'as bien donné, j'ai lu aucun livre de lui et ça m'a bien donné envie de le lire. Ouais. Bah, c'est le but, d'ailleurs tu t'en sors très très bien. Le titre original, est-ce que tu veux nous le donner? Parce que là je l'ai devant les yeux. Alors, parce que... C'est le titre original, moi, parce que je trouvais que c'était un mot rigolo, alors je voulais le dire. C'est Opetani. Opetani. Voilà. Et donc il a été publié en 39, une année funeste pour la Pologne. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est ouais, c'est bien les petits livres avec une petite histoire derrière. Voilà. C'est pour ça qu'on aime bien Kafka parce que tout est. On n'a pas la fin, mais on est quand même content parce qu'on se sent connecté à l'écrivain. Un peu comme cette vanne qui nous laisse sur voilà. C'est quelqu'un d'autre, ouais. Ouais, un peu comme la suite des romans de Chrétien de Troyes ou des multiples suites à Don Quichotte. Qui n'ont rien à voir avec l'original. D'accord, bah écoute, c'est noté Opetani que je vais lire en version originale, avidement, à condition que je le trouve ici, ce qui n'est pas gagné. Voilà. Alors, donc moi ma Ouais, déjà, ouais, c'est clair. Alors, moi, ma petite pépite, alors c'est. Pas, alors c'est une pépite mais pas vraiment petite puisque c'est un énorme pavé de 700 pages qui a pour titre A Brief History of Seven Killings, donc Brève histoire de 7 meurtres en français, paru aux éditions Albin Michel il y a 2 ans. Ce livre a gagné l'année dernière, il y a exactement un an, le Booker Prize de littérature, donc en 2015. Et alors je trouve que c'est beaucoup plus mérité, 1 milliard de fois plus mérité que le prix Nobel à Bob Dylan. Alors l'histoire, j'allais dire que c'est très simple, mais c'est pas simple du tout. C'est donc une multiple tentative de meurtre sur Bob Marley, qui n'est jamais cité dans le livre, qui apparaît sous le nom du chanteur, mais on sait qu'on parle de lui. Et donc l'intérêt, un des intérêts du livre, c'est que c'est présenté, d'une, c'est écrit donc en slang jamaïcain. Chaque chapitre est un personnage différent en fait qui raconte l'histoire de son point de vue. Donc on a plusieurs membres de gang à Kingston, donc en Jamaïque. On a des Américains de la CIA, on a des gens qui travaillent avec Bob Marley, on a des journalistes, voilà. Et donc donc ça permet aussi de raconter l'histoire de Bob Marley ainsi que de la Jamaïque moderne sous des angles complètement différents au sein de la population. L'auteur, donc Marlon James, il vit aux États-Unis mais il est jamaïcain, sa famille est jamaïcaine et il est donc il a une vraie connaissance du, j'allais dire du patois jamaïcain, mais non, puisque c'est considéré comme une langue, c'est de l'anglais jamaïcain, et c'est absolument fascinant, c'est passionnant. Et les personnages, alors là on parlait justement de construire un univers, parce que pour moi c'est ça qui fait un bon livre, c'est savoir créer un univers. Donc de la même façon que Opetani, je trouve que l'univers de Brief History of Seven Killings est un des meilleurs que j'ai vu. Il n'y a aucun détail qui manque, tous les détails reviennent, parce qu'en fait, il y a aussi cette faculté de parler d'un détail à page 40 et d'y revenir 700 pages plus loin. Et, exactement, mais c'est une multiple préparation paiement, puisqu'on a, on a des tonnes de détails, on a des choses, enfin, je trouve vraiment qu'on y est. Et c'est, alors par contre, c'est extrêmement gore, puisqu'il y a énormément de meurtres, il y a énormément de violences, puisqu'ils se tuent un peu les uns les autres de façon différente, il y a de la politique qui est incluse. C'est un roman qui est extrêmement sanglant, mais c'est de la grande littérature. Pour moi, c'est vraiment de la littérature ambitieuse. Et c'est ça qui manque un peu à la littérature moderne, c'est l'ambition. Là, pour le coup, ça manque pas. Ça manque vraiment pas. Donc, en français, en France, c'est publié chez Albin Michel et ça s'appelle « Brève histoire de sept meurtres par Marlon James ». Voilà. Non, c'est ça, exactement. Alors, je sais pas trop comment tu traduis de l'argot jamaïcain en français. Peut-être avec du ch'ti, je sais pas. C'est... je sais pas comment tu fais. L'occitan, ouais. Non, ou alors, tu sais, je sais pas, le créole guadeloupéen, je sais pas, tu vois. Mais. Ou que pasa, qui ça, moi, aimé. Et donc, voilà, donc ça, c'est. Pendant papa ou pas là. Alors, moi, je dis qu'on peut passer la musique immédiatement. Post-prod. Oui, ben là, on a oublié d'en parler, mais puisqu'il faut aussi qu'on choisisse un livre pour la semaine prochaine, qu'on va donc une œuvre classique. Oh, qu'est-ce que ça va être? Je me demande bien. Barbus! Ça tombe bien, on l'a lu tous les deux, c'est bien. Voilà, c'est ça. Parce que en fait, on avait choisi aussi ce livre longtemps en avance, et donc voilà. Donc J.R. l'a fini. Moi, je suis pas loin de le finir. Et alors, pourquoi on l'a choisi? L'enfer. Ouais. On va le répéter. Donc l'enfer de Henri Barbus, publié au début du XXe siècle. Voilà. Et alors, on a choisi ça parce que ça faisait partie de la fameuse section française de ma librairie de Wellington. Et voilà. Donc ça tombait bien. Moi je trouve ça plutôt pas mal de lire des bouquins grâce à ça. Donc voilà. Ouais, c'est pas faux ça, mais je crois que c'est pas loin d'être dépassé. Je vais regarder ça. Ouais, alors où je me trouve, l'internet, attention. Hein. C'est de la DSL. Date de publication originale. En fait, on a déjà dépassé les 100 ans depuis longtemps, puisque c'est 1908. Mais si. Tu crois qu'on était en 2008? C'est... En fait, ça me rend un peu triste, parce que si on avait été en 2008, les élections, là, ça aurait été Obama. Obama aurait gagné. Puisque on est... Oui, mais attends, le prochain prix Nobel de la paix, ce sera Trump, donc autant en profiter. En fait, je pense que dans quelques années, les gens auront une petite nostalgie d'Obama, comme Je pense que 5 secondes s'imposaient. Voilà. Oui, je voulais dire, parce que là, j'ai fait n'importe quoi et j'ai l'impression que ce podcast est un puzzle. En fait, on a eu l'idée, on s'inspire totalement. Alors là, en fait, on pompe totalement les idées des autres podcasts. Donc, il y a un podcast qui s'appelle Super Ciné Battle qui fait des listes de films. Donc, ils reçoivent des listes et ils font le classement ultime de leur film préféré. Et donc, nous, on a décidé de faire la même chose, mais avec la littérature. Donc là, pour l'instant, dans notre liste qu'on mettra sur notre site internet qui n'existe pas encore, on va avoir une liste et on va inclure chaque œuvre qu'on critiquera. Donc pour l'instant, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Et premier, et voilà, je pense pas qu'il va le rester très longtemps d'ailleurs. Et dernier, voilà, c'est un peu comme. C'est un peu comme Chirac en 2002, en fait. Il était premier et dernier. Voilà, je sais pas du tout où je vais avec cette vanne. J'essaie de... Ouais. Merci de me sauver. Oui, oui, oui, oui. Ouais, alors les mecs de l'After Eight, ils ont... Ouais, pardon. Ouais, excuse-moi. Non, t'as raison, t'as tout à fait raison. Parce que les présentateurs de l'After Eight, ils sont. Il y en a un des deux qui est à Los Angeles. Il y en a un qui est à Paris, l'autre il est à Los Angeles. Mais je pense pas que le décalage horaire soit. Ouais, c'est ça, c'est pas aussi important. Non, c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est le monde des podcasts, comme ça que ça marche. C'est tu te fais de la pub mutuelle. Mais un jour, t'inquiète pas, partenaire, un de ces quatre, ils nous revendront ça. Il est pas en stage non rémunéré, lui? T'as pas si... Ah putain, mais je t'avais dit de pas signer la convention. Merde, il nous regarde. Ah, bonjour. Bonjour les enfants, de quoi vous parlez? Donc voilà, mais je pense qu'on peut couper là-dessus parce que ça commence à devenir embarrassant. Allez. Salut !